Exercice 3, page 28. A. Quel est votre nom? B. Quel est votre prénom? C. Quel est votre numéro? D. Quelle est votre nationalité? E. Quelle est votre profession? F. Quelle est votre adresse?